Toujours à l'écoute de l'émission Voix autochtone, c'était Samian avec la pièce Mes réserves. Et si tout se passe bien, au bout du fil, nous avons Shani Piap. Quoi, Shani Piap? Quoi, Marlène? Alors, Shani Piap, on t'a contacté aujourd'hui parce que tu organises une marche familiale contre les conséquences des drogues. Oui, c'est ça. Puis je pourrais peut-être commencer à te parler de ma composition que j'ai fait. Ça s'appelle Poudre blanche sous le soleil du Nord. Mm-hmm. Je l'ai composé un de mes neveux parce que mon neveu c'est un grand gars de 30 ans là qui aimait beaucoup chanter. Il composait ses propres compositions, puis il était quand même connu. Puis il allait de village en village pour aller chanter ses chansons. Puis, mais un jour, il y a eu des problèmes avec les drogues. Ouais. Puis, à un moment donné, je lui ai dit à Joachim, j'aimerais tellement t'aider, Joachim. J'ai dit, parce que je sais que tu es un grand garçon qui aime la vie, qui aime chanter, puis qui aime composer. Tu sais, il y avait un instrument, un piano. Il était très encouragé dans la vie, là. Mm-hmm. Mais à un moment donné, ben c'est ça... Il est d'abord le fait qu'il y a eu des problèmes de drogue, c'est parce que c'est un accident. Hein. Apparemment, là, c'est qu'il a reçu tu sais comment ils sont les jeunes vers l'âge de 16-17 ans, là, ils vont dans les bars. Oui. Mais lui, il y a quelqu'un qui lui a mis dedans une pilule, peut-être deux, je sais pas, là, mais à vrai dire, après, il paraît quand il est sorti de là, du bar, là, il était tout à l'envers, là. Il savait plus ce qu'il faisait, il était complètement perdu. Mm-hmm. C'est à partir de là que ses problèmes de drogue ils ont augmenté. Puis année après année, ben là, il en consommait des plus fortes. Puis après ça, ben il y a eu des problèmes d'alcool aussi. Puis à un moment donné, il est venu chez moi ici à la maison. Puis je lui ai dit, je l'ai regardé dans les yeux là. Puis j'ai dit, Joachim, j'aimerais tellement ça t'aider. Là, il m'a pris par l'épaule, là, mais il y avait les larmes aux yeux, là, puis il m'a dit, ma tante, je pourrais jamais arrêter. Oh. Mais là, je voyais quand même une lueur de conscience dans ses yeux. Il y avait comme des moments où que je pouvais le voir réellement quand il est lui, là. Puis des fois, je pouvais ne pas le voir comme il est, parce que avec l'alcool, puis les drogues médicales, il y a eu ce qu'on appelle schizophrène. Oui. Oui, ça a généré ça. Ça, c'est ça. C'est, mm-hmm. Ça a été ça, lui, ses conséquences. Ben ça, tu sais, les drogues, c'est un déclencheur connu hein, des problèmes de schizophrénie. C'est vraiment quelque chose qui est très bien connu. Oui, malheureusement. Oui. Donc, toi, puis c'est quelque chose qui... demandé, juste pour finir mon histoire, oui. Quand je lui ai demandé si je pouvais le publier, mon texte, là, mm-hmm. Poudre blanche sur le soleil du Nord, dans ce temps-là, il m'avait dit pas de problème, il m'avait signé un papier comme de quoi, là, il dit pas de problème, vas-y, si ça peut aider, tu sais. Oui. Puis, non, mais c'est pour ça, aujourd'hui, je me sers de ce texte-là pour aller faire la marche le 8 mars. Mm-hmm. Parce que, donc, toi, c'est quelque chose qui, ben comme beaucoup de gens, hein, toi, ça t'a touché dans ta famille même, donc, cette problématique-là des drogues et puis de l'alcool. Oui, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont touchés par les drogues, par l'alcool. Même moi, mon père était alcoolique. Puis j'ai toujours vu mon père alcoolique là, qui buvait. Puis je sais que ma mère, elle avait beaucoup de problèmes avec mon père dans ce temps-là. Là. Ça, c'était dans les années 60, 70, là. Puis on avait vécu des moments, mais vraiment difficiles avec mon père. C'est sûr qu'en vieillissant, il a arrêté, là. Mais tout le temps que nous, on a grandi, là, nous avons vu notre père dans l'alcool. Mm-hmm. Et avec ce rassemblement-là, avec cette marche-là, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Mais c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos communautés ou dans les villes présentement là, surtout avec la légalisation de la marijuana. Mais moi là, personnellement, je suis vraiment inquiète là. Mm-hmm. Je suis vraiment inquiète pour l'avenir de nos enfants, tu sais, à cause des consommations abusives. Puis je vois bien que l'état de santé physique, mentale et spirituelle de nos jeunes s'aggrave de plus en plus. J'entends des fois dire les gens, hey, 5 verres de consommation là, c'est déjà excessif. Mm-hmm. Mais chez nous là, c'est pas 5 verres là qu'ils prennent là. Ça peut être une caisse de 24, deux caisses de 24, puis ça peut être un mois, 2 mois là. Oui. C'est que c'est un gros problème en ce moment. Mm-hmm. Puis quand je vois aussi au Labrador, tu sais, les jeunes du Labrador, là, les Innus là-bas qui sniffent des solvants, là, je trouve ça épouvantable. Ce que tu peux faire avec ton cerveau. Mm-hmm. Puis je suis pas d'accord, tu sais, qu'il y ait autant de fléaux de drogue et d'alcool dans nos communautés ou de solvants qui commencent dans au Labrador. Là. Puis non, il faut vraiment faire une marche pour montrer aux gens vraiment l'état de santé dans nos communautés à cause de ces drogues abusives. Mm-hmm. Puis moi, pourquoi je choisis le 8 mars? Parce que c'est une journée des femmes. Puis là, je me suis dit, moi, ma grand-mère, c'était une porteuse de vie. Ma mère, c'était une porteuse de vie. Moi, je suis devenue une porteuse de vie. En fait, tu sais, c'est nous autres qui amenons les enfants au monde. Puis ces enfants-là, ben quand on les met au monde, c'est pas dans le but qu'ils deviennent déjà alcooliques, comme c'est déjà là quand ils parlent du fœtal là, alcoolique. Ah oui, ben c'est oui. C'est déjà ça quand ils viennent au monde, nos enfants, nous autres, nos propres enfants. Puis je trouve ça déplorable, tu sais, qu'on veut légaliser quelque chose que nous, il nous tue présentement là. Puis même les enfants, ils peuvent devenir drogués même en arrivant au monde. Tu sais, j'ai dit, je parle des bébés là. Peut-être que moi, je peux pas voir vraiment. C'est surtout les services sociaux qui peuvent le dire. Moi, je le vois pas, mais je le constate quand même qu'il y a des gros problèmes là. Je peux pas me fermer les yeux puis pas rien voir puis pas rien entendre puis faire la belle vie juste pour moi. Tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. Je veux parler pour ces enfants-là qui viennent au monde puis qui sont pas capables de dire, hey, protégez-nous, là, les mamans, là, les femmes, c'est vous autres, les porteuses de vie. Mm-hmm. Alors, on espère que les porteuses de vie vont répondre à l'appel. Donc, c'est le 8 mars. Ça va être au Carré Diouville, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est au Carré Diouville. À 11h. OK. Puis juste pour finir, là, parce que ça va être ça aussi, la réflexion qu'il va avoir probablement, tu sais, le fait qu'il y a un développement économique au niveau de la marijuana. Hein. Oui. Puis il y en a beaucoup aussi sur les drogues. Puis des fois, j'ai l'impression que la sécurité des gens, ça va pas ensemble avec le développement économique. Mm-hmm. À cause des drogues, tu comprends? En effet, faut se questionner si c'est le type de développement qu'on veut. C'est ça. Mmh. Ah ben, je suis vraiment contente, Marlène, que tu aies pris le temps de m'écouter puis de le diffuser au fond, le message qui est très important pour moi là, puis beaucoup d'autres femmes des Premières Nations sûrement là. Mmh. Tout à fait. Et puis nous on va se reparler. On va se reparler la fin de semaine avant la marche et c'est une entrevue que je vais rapporter, une entrevue un petit peu plus en détail. Donc on a beaucoup de choses à discuter. On a parlé de la drogue, de l'alcool, mais on n'a pas parlé encore tout à fait d'où ça vient, tout ça. Et puis ça, on va le faire, là, on va faire une entrevue qu'on va diffuser sur nos ondes, là, lundi prochain, qui est le 5 mars. C'est ça, hein? Ouais, oui, c'est ça, c'est le 5 mars. Ben, merci beaucoup. Parfait, ben, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu vas pouvoir passer la chanson que j'ai composée pour Joachim, là, ça s'appelle, je pense, ma chanson, le Joachim le Métis? Et oui, on va écouter ça tout de suite. Et donc, vous avez tout le monde entendu c'est quoi l'histoire de Joachim? Eh bien, vous allez entendre maintenant la chanson que sa tante Shani Piap lui a composée. Tchnashkometan, Shani Piap, on se... Tchnashkometan, Yamé Winnebessis. Ben oui, on se revoit bientôt et donc c'est un rendez-vous hein, le 8 mars de 11h à peu près 14h30 au Carré Diouville à Québec. Mettez ça à vos agendas si vous voulez que les drogues et l'alcool sur les communautés, ça prenne sa place sur la place publique, qu'on en parle parce que il y a un problème là et il faut en parler. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Yamé. Yamé. Alors, c'était Shani Piap et on va tout de suite écouter sa pièce Joachim le Métis. Mas tens patenda un queix minuguí. Jin kana shuto pour faire ressurgir la vie nomade d'autrefois. De ma main, je taquine les ombres cachées de l'âme montagnaise dont j'imagine mille formes, mille visages. Des profondeurs du passé, mille légendes, mille amitiés dansent au bruit du pas de mon ancêtre comme un son doux qui appelle le rire joyeux innu. Dans la forêt rouge terre de Matmekush, mille feux, mille sourires font jaillir du tronc des arbres sapineux la sève de vie sauvage qui coule dans mes veines. La grande lune du Labrador donne enfin corps aux rêves et dans la nuit éclatante de l'aurore boréale, le tambour Tewaken apaise le cri percutant de mon cœur confiant et voilà que je chante le Nord. Et c'était Shani Piap avec sa pièce, donc en hommage à son neveu Joachim qui est aux prises avec qui a été aux prises avec des problématiques là, de toxicomanie. Et voilà, comme elle nous en parlait, elle organise un événement pour justement pour qu'on en discute de cette situation-là des drogues et de l'alcool dans les communautés au Carré-Diouville, donc le 8 mars.